C'est ça, moi, c'est toujours encore, c'est toujours Christ, notre royaume et la foi. Wir werden über die Botschaft des Heiligen Geistes kurz sprechen. On va, on va parler du royaume du Saint-Esprit. Amen. Jesus Christ, our kingdom of faith. Jesus Christus, unser Königreich des Glaubens. Jésus-Christ est notre royaume de la foi. Praise the Lord. Alléluia. Our, where we stop on Wednesday, we will go there if time permits. If not, it will be then on Wednesday, next week Wednesday again. Amen. Amen. Und am Mittwoch geht's weiter, wenn wir es zeitlich jetzt nicht schaffen, das komplett. Et mercredi, ça va continuer. Amen. Because the Lord wants us to know this. Amen. I was having it in heart that is because of some certain people. But the Lord said no for us also. Amen. Denn der Herr möchte, dass wir das wissen. Ich dachte, es geht nur um bestimmte Personen, aber es geht für uns uns alle. Et c'est vraiment important. Moi, je pensais qu'il s'agissait seulement de quelques personnes, mais ça, il s'agit de tout le monde ici. A lot is a reminder. Für viele ist es eine Erinnerung. Pour beaucoup d'entre nous, c'est juste un rappel. C'est comme really ça. We need a reminder. Wir brauchen wirklich eine Erinnerung. On a vraiment besoin toujours d'être rappelé. Amen. Amen. That's why, you know, in Genesis, Exodus, if you look at it, the Lord always says, whatever I've done for you, say it to your children, your children's children. Don't forget it. Remember it. That is why I say meditate. What you hardly forget, what you meditate on. Deswegen, 2. Mose sagt er immer wieder, dass wir sollen uns immer wieder daran erinnern, was der Herr getan hat für uns. Wir sollen uns weitergeben an unsere Kinder. Et c'est pour cela, en Exode, il nous dit qu'on doit toujours donner ce qu'il a fait pour nous. On doit toujours le donner à nos enfants et nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, toujours méditer dans sa parole. Amen. Amen. You know, today is Christ Jesus that we give to our children. Heute ist es Christus Jesus, den wir unseren Kinder weitergeben. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qu'on va commencer à donner à nos enfants et à nos petits-enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Before we begin with the Holy Spirit, please know that the spiritual world exists. Die geistliche Welt, bevor wir mit dem Heiligen Geist loslegen, ist es wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern, dass die geistliche Welt existiert. Avant qu'on puisse commencer avec notre message du Saint-Esprit, on doit comprendre que le monde spirituel existe. Alors, do not want to believe that the spiritual world exists. Mais viele glauben das leider nicht. Il y a beaucoup qui ne croient pas en ça. Ils pensent que le monde spirituel n'existe pas. If you believe it or not, there is the spiritual world here on earth. Ob du glaubst oder nicht, es gibt die geistliche Welt hier auf Erden. Que tu le veuilles ou pas, le monde spirituel existe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And some don't even want to know that or even hear about it. Viele wollen auch nichts davon hören und nichts davon wissen. Il y a beaucoup qui ne veulent pas le savoir ou bien écouter quand parler du Saint-Esprit. A lot of churches today, there is nothing spiritual. Viele Gemeinden, da ist nichts There's nothing of the spirit. Das ist nichts vom Geist. Il y a beaucoup dans beaucoup des églises, il y a rien qui est spirituel dedans. They are not spiritual conscious. They are not spirit conscious. Sie sind nicht geistlich bewusst. Ils n'ont pas la conscience spirituelle. Are you getting it? Praise the Lord. In Galatians 5:25 says, "We live in the spirit, we walk in the spirit." In Galater 5 steht, so it's all about the spirit. Im Geist leben und im Geist wandeln. Es geht also um den Geist. Dans Galates 5, il a dit qu'on doit vivre en esprit et aussi marcher en esprit. It means our spiritual world exists. Das heißt, unsere geistliche Welt existiert. If God does not exist, we cannot live there. Existiert. Et ça signifie que le monde spirituel existe. And you know, I hope you know. Sinon, il n'allait pas le lire. Praise the Lord. On doit marcher en esprit. Amen. Amen. A lot do not want to believe it. They don't want to hear it at all. Anything spirit. Viele wollen es nicht glauben und nichts davon hören, irgendwas über Geist. Il y a beaucoup qui ne veulent pas écouter les histoires qui quand il s'agit de l'esprit. Amen. It means Satan has been very successful in his job. Das heißt, der Satan ist sehr erfolgreich. Ça signifie que le diable a été vraiment a eu du succès dans son travail. Because he blinded, the God of this world blinded. 2 Corinthians 4. Go there, please. 2 Corinthians 4. Der Gott dieser Welt, der Satan, hat sie verblendet. 2 Corinthians 4. Le Dieu de ce monde, c'est le diable qui les a aveuglés. Amen. He blinded them that they cannot see Christ. They cannot see him. 2 Corinthians 4. Verse 3 and 4. 2 Corinthians 4. Vers 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Are we there, please? Amen. Praise the Lord. Amen. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Praise the Lord. You see what is hid there? Verse 3. Vers 3, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. If our gospel be hid, it is hid to them that are lost. In whom the God of this world have blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. You can see how Satan blinded them. Kannst sehen, wie der Satan sie geblendet hat. Et si tu peux voir comment le diable les a aveuglés. Towards the gospel. Was Evangelium angeht. Il a dit que pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. You know, First Corinthians says it is foolishness unto them. In 1 Corinthians steht, dass es für sie Torheit ist, Dummheit ist. Et dans 1 Corinthiens, il nous a écrit que pour les païens, tout ce qui est de l'esprit, pour qui est de l'éternel, de Jésus-Christ, pour eux, c'est comme une stupidité, c'est comme, oui. Praise the Lord. C'est insensé. Amen. Amen. Amen. It is, let me see, amen. First Corinthians 1, please. 1 Corinthians 1. Verse 17 and 18. 17 and 18. Verse 17 and 18. Or even 19. Amen. He said, for Christ sent me not to baptize with water, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. That's the gospel of Christ. Das ist Evangelium von Christus. Foolishness unto them. Es ist Dummheit für sie. Mm. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela, la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue à la crainte. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Are you getting it? He said, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Mm-hmm. We read it in Romans 1 also today, that the gospel of Christ is the power of God. Wir haben es auch in Römer 1 heute gelesen, dass das Evangelium von Christus die Kraft Gottes ist. Et on dit que, on a lu aussi à Romain que l'évangile de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. It means the message that you hear here is the power of God. Ça signifie que la message que tu entends ici, c'est la puissance de Dieu. Ça signifie que le message qu'on écoute ici, c'est la puissance de Dieu. And that's why you must value it. Deswegen müssen wir es wertschätzen. It's a command for you to value it. C'est un gebot. Et c'est pour cela, c'est un commandement pour toi de valoriser le message que tu es en train d'écouter ici. Amen. Parce qu'il dit que son évangile, c'est la puissance de Dieu. You must desire it. Be hungry of it. Danach sehnen. Wir müssen danach hungern. Tu dois le désirer. Tu dois vraiment le valoriser. You must pursue it. Wir müssen dahinter sein. Tu dois le suivre. Amen. You must. That's why, you know. Matthew, go to Matthew 13, please. Matthäus 13. Matthieu 13. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthieu 13. Matthäus 13. Matthieu 13. Praise the Lord. Hallelujah. He talks about the gospel of Christ so much. Hier geht es so sehr um das Evangelium von Christus. Ici, il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. From verse 44. 44. He says again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. That's the gospel of Christ, the message you receive here. Das ist das Königreich von Christus, die Botschaft, die wir hier hören. Donc le message c'est oui c'est du royaume des cieux. Ici Matthieu 13:44 il Matthieu 13:44 il dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. It is hidden. It is hidden. Es ist verborgen. C'est caché. Amen. And that's why when a natural man comes here, when you speak to him, he cannot get it. Because it is hidden from him. Und zu ihm redest, ist es, kann er es nicht verstehen, weil es vor ihm verborgen ist. Et c'est pour cela quand un homme naturel écoute ce message, il va pas le comprendre parce que pour lui c'est quelque chose insensé, il comprend pas. He says again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. That's the gospel of Christ. Das ist das Königreich von Christus. Es ist wie ein Schatz, der auf dem Acker verborgen ist. Il dit que c'est comme un champ. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la retrouve le caché et dans sa joie, il va vendre tout pour qu'il puisse l'avoir. Praise the Lord. Alléluia. To better value here so much. Sie müssen diese Stelle wertschätzen. No, I mean this, the ministry, the message here, the whole house here. You value it more than your private house. Amen. Sie müssen dieses Haus, diese Gemeinde halt wertschätzen, noch mehr als unsere privaten Wohnungen. Et c'est pour cela c'est important de valoriser les messages qu'on écoute ici, plus que toute autre chose privée. Amen. Que vos maisons privées ou les messages que vous écoutez ailleurs. You know, some people value their job because they know that without their job they cannot pay their house rent. Einige Leute schätzen ihre Arbeit so sehr, weil sie wissen, ohne diese Arbeit könnten sie ihre Miete gar nicht zahlen. Il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de valeur à leur travail parce qu'ils savent que sans ce travail-là, je serais pas capable de payer mes factures, par exemple. Amen. And that's why, you know, please, it is a command that you must value here. Und because deswegen, without here, that your house cannot even be Christ. Es ist ein Befehl, dass wir diesen Ort hier schätzen, weil ohne diesen Ort kannst du nicht mal dein Zuhause haben in Christus. Et c'est pour cela, c'est vraiment important de valoriser ce que lui nous dit ici ou bien nos messages, parce que sans le valoriser, quand tu donnes pas valeur au message qu'il te donne de son royaume, tu seras même pas capable de valoriser ni ta maison, ni ton mariage, ni ton rien. Tu vois, tu seras pas capable de valoriser les choses. He said, "The wish when a man have found." Thank God you found here. Gott sei Dank, dass du diesen Ort gefunden hast. L'homme qui a trouvé le cachet. Amen. Amen. Thank God you found aujourd'hui. Here. Gott sei Dank, dass du diesen Ort gefunden hast. Remercie l'Éternel que tu as trouvé. Thank ici. God you find this ministry. Gott sei Dank, dass du diese Gemeinde gefunden hast. On remercie l'Éternel parce que tu as trouvé ce ministère. Thank God for the message that is coming out. Amen. Für die Botschaft, die hier rauskommt. On remercie l'Éternel pour le message qu'on écoute. The message he bought with his own blood. Die Botschaft, die mit seinem eigenen Blut bezahlt hat. C'est le message qu'il a payé avec son propre sang. No money can buy. Amen. Kein Geld kann diese Botschaft kaufen. Aucun argent peut acheter. All the money put together in this world cannot buy it. Alles Geld auf dieser Welt kann es nicht kaufen. Aucun argent de ce monde peut l'acheter. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He hid it. And for joy thereof, goeth and selleth all that he hath and buyeth that field. He's talking about the gospel. Es geht um das Evangelium, was hier gepredigt wird. Et ici, il s'agit, il a dit que l'homme qu'il a trouvé le cachet, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter le champ. Il parle du message qu'on est en train de prêcher ici. You better value it. Schätze es lieber wert. Tu dois vraiment le valoriser. He said he sell it all that he had to be there, to buy it. Er verkauft alles, was er hat, um es zu kaufen. It's going to cost you. It's very, very Donc tu dois vraiment être capable à tout vendre pour acheter ce que tu es en train de valoriser. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 45. 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. You know, seeking goodly pearls. You know, every heart, the Lord have a space in our heart that he want to occupy. Amen. Where that goodly pearls should come, that is Christ, to come there. The true gospel to occupy there. In jedem Herzen ist eine Stelle, wo dieser Schatz reinpasst, dieser Schatz der Christus ist reinpasst. Et il y a dans chaque cœur de l'être humain, il y a une place où le trésor peut entrer dedans. You know, people... Une place qui est réservée pour le trésor qui est l'évangile. Oui, voilà, il y a toujours une place qui est réservée pour le trésor, et ce trésor, c'est l'évangile, le message, oui. People are going from religion to religion to search for their goodly peer to put inside so that you can occupy that very space. Leute gehen von Gemeinde zu Gemeinde, von Religion zu Religion und suchen das, um etwas in ihr Herz zu tun, aber es passt nicht. Sie denken, das ist aber das, was da rein soll. Les gens sont en train de partir de l'église à l'église pour trouver quelque chose, la chose qu'ils sont en train de chercher, mais ils sont en train de chercher la vérité, mais ils ne trouvent pas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why when Jesus came in Matthew 4:17, he said, repent, for you are not going to be looking for one religion after the other. The kingdom of heaven is about to come. Where that we now occupy the inside of you. Is somebody getting it? Et lui, il a dit que repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche, il est déjà là. Et ça signifie que tu dois te forcer à croire que le royaume est déjà là parce que tu ne le vois pas. Donc tu ne vas pas te forcer à croire de voir la religion, mais le royaume des dieux. Up to now, a lot are still looking for it. They cannot find it. Bisher suchen viele noch danach, aber sie können es nicht finden. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui sont entrés encore de chercher l'évangile. Ils n'ont pas encore trouvé. Amen. They are going from church to church. They are going from religion to religion. One religion after the other, but they cannot still find it. Religion zu Religion, aber sie können es nicht finden. Ils partent des églises à églises ou bien de religion à religion pour chercher la vérité, mais ils ne sont pas toujours capables de le trouver. We thank the Lord that you find it. Wir danken dem Herrn, dass ihr das gefunden habt. Mais on remercie l'Éternel que toi tu es capable de le trouver maintenant. He said when he had found what pair of great price, went and sold all that he had and bought it. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. There should never be any stress for you at all. Das sollte kein Stress sein für uns. Il a trouvé une perle de grand prix. Thank you. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est pour cela, comme toi, tu as trouvé le trésor qui est dans l'évangile ici, dans le message qu'on prêche ici. Et c'est pour ça que c'est important d'être fier de ça et de ne pas le voir comme si on veut te stresser ou bien on veut te faire de mettre des pressions. Non, tu dois l'aimer. Tu dois aimer ce qu'on prêche. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the kingdom of heaven is not the kingdom, you know, where you... You know, it's where you see as a pressure. It's a pressure. Okay, thank you. Amen. I recall it joke. German. Praise the Lord. Amen. You know that the kingdom of heaven, because you are not in the kingdom of heaven, you never carry load. Amen. Jesus said, "I am the one that carried the load, not you." But in religion, you carry load. In the world, you carry load. But in the kingdom of heaven, somebody carried your load. Amen. Im Königreich Gottes trägst du eine Last nicht, sondern es ist der Herr, der die Last getragen hat. Amen. Und aber in Religion, da trägst du alles schön selber. Mm. Dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ qui porte toutes les charges, qui prend toutes les charges qu'on a sur lui. Mais dans la religion, c'est nous-mêmes qui emportons toutes les charges. Amen. Remember Matthew 11. He said, "Come unto me, all you that labor." If you are still carrying load, yes, you know how you know some people they just love to have many things to do. I only have one thing to do. Amen. That's to see Christ. Amen. They have many things. They have a lot of job. They have a lot of things to do with money. That you know every month they calculate it. It's go there. It's go there. It's go there. Is somebody getting it? One thing you have to do is to see Christ. Eine Sache haben wir zu tun, nämlich Christus zu suchen. Es gibt Menschen, die haben so viel zu tun, die legen sich so viele Bürgen auf, so viele Sachen, so viele Pläne. Aber ich tue nur eine Sache, nämlich Christus zu suchen, ihn zu fokussieren. Il a dit qu'on doit vraiment se concentrer vers lui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à faire. Ils sont en train de, ils ont beaucoup de travail, il y a beaucoup de projets, mais nous on doit avoir seulement un projet et c'est l'Éternel et c'est lui qui va à travers le même projet qui est lui-même, c'est à partir de là qu'il va fournir à tous nos besoins. Amen. You better allow your plan to be Christ. Lass zu, dass dein Plan Christus ist. Tu dois permettre que tous tes plans soient Jésus-Christ lui-même. Amen. You know, what happened in America some days ago? That you know the children that were killed. Amen. And their teachers. Was in Amerika passiert ist bei diesem Grundschul-Amoklauf? C'est ce qui s'est passé en Amérique. Amen. You know these people, they were having a lot of plans. Diese Leute hatten Pläne. Their parents. Ces gens-là, ils avaient beaucoup de plans, même les parents là, ils avaient beaucoup de plans avec leurs enfants. So came out on the television and said they were planning to go to Ulo for a holiday. Ihre Eltern. They book hotel and everything. And now they have to cancel it and prepare for funeral. Ihre Eltern hatten Pläne mit ihren Kindern, ne? Pläne zu verreisen, Pläne, Dinge zu machen. Einige haben so gesagt, wir wollten Urlaub, aber jetzt müssen wir alles stornieren und das Geld nutzen, um halt die Beerdigung vorzubereiten für das Kind, was sie verloren haben. Et par exemple, il y a beaucoup de parents qui avaient beaucoup des plans et disaient que on était en train de planifier même les vacances d'été, les faire avec nos enfants, partir dans des vacances. Et maintenant, on doit maintenant tout stopper pour maintenant planifier leur morgue ou bien leur funérailles parce que les enfants ont été tués d'un jour à l'autre. Amen. You know, people say, no, this America is not Deutschland. Deutschland will never happen. Satan is everywhere. Leute sagen, ja, das ist in Amerika, da ist das an der Tagesordnung, da passiert immer wieder sowas. Hier passiert sowas nicht, aber der Satan, der ist überall, er kann auch hier wirken. Und er wirkt auch hier. Il y a des gens qui peuvent dire que oui, ça c'est l'Amérique, nous sommes maintenant ici en Allemagne. En Allemagne, des histoires comme ça, ça se passe pas, mais le diable, il est partout, il n'est pas seulement en Amérique. We have guaranteed our Christ. Jesus is our guarantee. Christus Jesus unsere Garantie. And not because we are in Deutschland. Nicht weil wir in Deutschland sind. Nous on a une garantie et notre garantie c'est Jésus-Christ lui-même et c'est pas parce que nous sommes en Allemagne que on dit que oui les Américains comme ils sont tout fous là, c'est normal que ça va se passer là-bas ici en Allemagne c'est calme. Non, c'est Jésus-Christ qui est notre garantie, pas l'Allemagne. Amen. You know Papa's place of work. Was it not I don't know the year, some years ago. A man that was working with I don't even know this man because I have been to their place of work. They will have sometimes they have a get together. We meet to the summer fest. We go to there. I know this man very well because we are always seeing and greeting. This man, the wife died. They plan. You know that we are building house in Poland, and a very big house. You know you better allow Christ to be everything. Mm. Are you getting building house in Poland and they have spent a lot of money. They were planning, this man was going to retire next year or so, a year time, so that they go to Poland with the wife and the children, or maybe the children will remain here, then they will go there and rest. And you know, just a year before then, the wife died. And they took the wife to Poland to bury. And as they were burying the wife, the man collapsed and died also. Während. Okay. Und auch just like that of our commission, just like that of the teachers that died some days ago. One of them, the husband is dead now. Because he said they were going to prepare to go and bury the wife. He just collapsed and died, the husband. They have four children. They are old. They are 50 something or so years old. You can see, you know, these people were alive last week. Mm. It happened on Monday. Yes, yes. You understand? They were alive here last week, planning. You better allow Christ to be what you know. Allow Him to plan for you. Amen. Und auch genauso wie bei Papa auf der Arbeit, er hatte einen Arbeitskollegen, der kurz vor der Rente stand und jahrelang seine riesige Villa sozusagen in Polen aufgebaut hat, weil er immer gesagt hat, nach der Rente wohnen meine Frau und ich, wollen wir wieder zurück nach Polen gehen und dort halt weiterleben, in unserem schönen Haus. Wir haben richtig viel Geld da reingesteckt, großes Anwesen, alles drin und dran. Und auf einmal, kurz bevor er dann, ich glaube, als er schon in der Rente war oder kurz bevor er in die Rente gegangen ist, ja, ist er kurz bevor er in die Rente gegangen ist seine Frau verstorben. Und dann wenige Wochen und dann hat man natürlich die Frau in Polen beerdigt und der Mann war dabei. Und bei der Beerdigung in Polen, als der Mann dabei war, ist er halt ohnmächtig geworden, weil das einfach alles zu viel war für ihn und ist auch da gestorben. Mhm. Na, und das zeigt einfach, dass Menschen haben jahrelang Pläne gehabt, Ziele gehabt, aber da war Christus nicht. Und ne, das ist der Teufel, der dann halt einfach dann diese Leute ausknipst. Und dann ist es vorbei. Und genauso auch wie in der Situation bei dem Amoklauf in Amerika, dass unter den Toten gab es auch eine Lehrerin, die auch verstorben ist. Und ihr Mann ist kurz darauf auch verstorben, weil es ihm auch alles zu viel war. Ne? Er ist zusammengebrochen der Beerdigung von der Frau, weil es ihm einfach alles zu viel war und ist auch gestorben. Und diese beiden haben jetzt 4 Kinder zurückgelassen. Mhm. Ne? Und das ist halt einfach... Menschen, letzte Woche Sonntag haben diese Leute noch gelebt. Montag ist ja diese Schießerei passiert. Und es zeigt einfach, dass wir unsere Pläne wirklich dem Herrn übergeben müssen. Weil diese Welt ist bösartig, der Teufel sucht. Tu comme, par exemple, il y avait papa, un collègue du travail, de son travail, il a construit à Pologne parce qu'il voulait partir quand il sera dans la retraite. Il va partir avec sa femme, ils vont vivre là-bas. Ils ont vraiment beaucoup dépensé, une très belle maison. Mais quelques mois avant qu'ils puissent entrer dans la retraite, la femme est morte. Ils sont partis maintenant enterrer la femme. Et pendant la cérémonie du funérail, lui-même aussi, il est mort. Pour vous dire qu'ils étaient en train, l'homme planifie vraiment sa vie, mais ça ne sert à rien si tu ne planifies pas avec l'Éternel. Ou bien tu fais des histoires de ta propre manière, parce que tu n'as pas la garantie que ça sera demain tu seras en vie, tout comme les gens qui ont été tués par les élèves qui ont été tués. Même il y avait une maîtresse qui est aussi morte parce qu'elle voulait protéger les enfants, elle est aussi morte. Et imagine, ça s'est passé lundi et ils avaient beaucoup de projets aussi, lui, elle et son mari, mais elle est morte aussi, elle aussi. On a vu dans les informations que pendant le funérail, le mari aussi est mort. Son cœur n'a pas pu supporter ça. Et puis directement ici, il est mort. Imagine, dans une semaine passée, ils avaient des plans vraiment merveilleux pour leur vie. Mais d'un jour à l'autre, tout est parti. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, many do not believe there is the devil and there is the only true God also. Viele Leute glauben nicht, dass es den Teufel gibt und den wahrhaftigen Gott gibt. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'il existe le seul vrai bon Dieu. Ils ne croient aussi pas que le diable est aussi présent. And again, it means the devil has been very successful in blinding them. Und das heißt wieder, dass der Satan wieder, er hat wieder seine Hausaufgaben gemacht, ne? Also er hat wieder dafür gesorgt, dass Leute verblendet sind und verblendet bleiben. Et quand on voit que les gens ne croient pas en Dieu ou bien que le diable existe, on voit aussi que le diable a eu du succès dans son travail parce qu'il a vraiment aveuglé les gens. Because one of his major weapons is to make you not believe that there is anything like the spiritual world. Weil einer seiner Hauptwaffen ist, dafür zu sorgen, dass du nicht glaubst, dass es eine geistliche Welt gibt. Parce que un de ses plus grandes puissances ou bien outils, c'est de te faire croire que le monde spirituel n'existe pas. Remember, he is called the Prince of Ignorance. Erinnert euch, er wird der Prinz der Ignoranz genannt, der Unwissenheit. Et c'est pour cela on appelle aussi le prince d'ignorance. Amen. Which is the word in Hebrew, darkness. Das heißt der Fürst der Finsternis. In Hebräisch heißt Ignoranz Finsternis. Yeah. Et en hébreu, par exemple, l'ignorance, on appelle obscurité. Donc ça signifie qu'il est aussi le prince de l'obscurité. You can see ignorance and darkness. Amen. Donc tu peux voir que l'ignorance et l'obscurité, c'est la même chose. Praise the Lord. You cannot have Christ and know Christ without, or let me put it this way, you cannot have Christ and know Christ with the wisdom of this world. Du kannst Christus nicht haben oder kennen mit der Weisheit dieser Welt. Tu n'es pas capable à comprendre le Christ ou bien avoir le Christ avec la sagesse de ce monde. And that's why if you are in their midst, there you will argue and argue and argue. Dass wenn du in ihrer Mitte bist, wirst du nicht mit ihnen, du wirst immer wieder diskutieren mit ihnen. Et c'est pour ça que c'est là que quand tu es au milieu de ces gens-là, tu vas toujours commencer à discuter. Please, as your homework, read 1 Corinthians 1 from 1 to the end and 2 Corinthians 2 from 1 to the end, please. Spend time to read them. Amen. Talks about the wisdom a lot. The wisdom of God. You can see the difference between the wisdom of God and the wisdom of this world. That is the wisdom chapter. Über die Weisheit dieser Welt und die Weisheit von Christus gehen. 1 Korinther. 1 Corinthians 1. 1. From one, we can just read it from one to the end. Eins bis zum Ende. So also 1 Corinthians 2, chapter 2, from one to the end. Genau, also auch 1. Korinther 1, Kapitel. Nee, 1. Korinther Kapitel 2, so. Chapter 1 and chapter 2. Yeah. Please read it. Amen. Lisez à la maison 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1 et 2, et ça va vous aider à voir la différence entre. La sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. And that's why somebody saying I'm using wisdom, you have to check the wisdom that is using. Wenn jemand sagt, ich benutze meine Weisheit, dann musst du fragen, welche Weisheit meinst du? Et c'est pour cela, si quelqu'un te dit que oui, pour connaître tout ce que je connais, si je suis en train d'utiliser la sagesse, là tu dois te demander, mais quelle sorte de sagesse la personne est en train de parler? Amen. In verse 4 of chapter 2. In verse, chapter 1 Corinthians 2, verse 4. En Corinthiens 2. Amen. Paul is the one speaking here. Paul spricht hier, 1. Korinther 2, Vers 4. Verset 4. He said, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Amen. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. You can see that the wisdom of this world is not the wisdom of Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours perçus de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Tu peux voir que c'est la sagesse de Dieu qui est ici la chose la plus puissante. Praise the Lord. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, Amen. Pas fondée sur la sagesse de l'homme, mais de la puissance de Dieu. And also, chapter 1, from verse 19. Capitale 1, verse 19. Chapitre 1, verset 19. Okay. It says, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Their wisdom will be destroyed. Ihre Weisheit wird zerstört. Ici, on voit que leur sagesse sera détruite. Amen. Like my brother Peter that was here last week. Amen. You remember? We were also on Wednesday. Amen. He was here. You can see the wisdom of men. Ihr könnt sehen die Weisheit der Menschen. The intelligence of men coming out from his mouth. Le frère Pierre qui était ici, on peut voir son intelligence, sa sagesse qui sortait de sa bouche. Amen. You can see also the wisdom of Christ coming out from our mouth. Und wir haben auch gesehen, wie die Weisheit von Christus aus unserem Mund kam. Zwei Weisheiten. On pouvait voir dans cette discussion qu'il y avait, lui, il avait beaucoup de sagesse concernant ce monde, mais nous, on avait beaucoup de sagesse concernant le royaume des cieux. The wisdom of Christ never makes sense to him. So also, the wisdom of men never makes sense to us. Die Weisheit von Christus hat keinen Sinn something. Für ihn gemacht. Genauso hat auch die Weisheit dieser Welt für uns keinen Sinn gemacht. Amen. La sagesse de Dieu n'avait pas, ça n'avait pas de sens pour lui quand on lui parlait. Ça n'avait pas de sens parce que c'était la sagesse de Dieu. Et tout comme la sagesse de l'être humain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour nous. Amen. Amen. He said, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputers of this world? Have not God made foolish, the wisdom of this world. Amen. The wisdom of this world. Here the Lord is telling us, helping us to know that there's a difference between his own wisdom and the wisdom of this world. Hier will der Herr, dass wir erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Weisheit dieser Welt und der Weisheit seiner Weisheit. Amen. Ici, on voit verset 6, il fait la différence entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Jésus-Christ. Il nous fait voir qu'il y a deux sagesses. The wisdom of this world is satanic wisdom. Die Weisheit dieser Welt ist eine satanische Weisheit. La sagesse de ce monde, c'est une sagesse diabolique. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 21, it says, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Amen. How we are saved. It's by the message. Ils sont errettés durch die Botschaft. Ici, on voit que nous sommes, il nous fait voir ici que nous sommes sauvés à travers le message. Are you getting it? Now, you know, remember, John, Jesus said, we shall know the truth. Like, we shall know Christ. We shall know the message. And that is how we are free. The message is your freedom. The message is Christ himself. Ist unsere Freiheit. Die Wahrheit ist unsere Freiheit und das ist Christus selbst. Macht uns frei. Et on voit que le message c'est notre liberté parce que il dit que c'est son message c'est la vérité qui nous rend libre. C'est la vérité qui nous libère en fait. If the natural people, if they hear the message, it is foolishness unto them. But it please God by the foolishness of the of preaching to save them that believe. Amen. They laugh at you and say, you believe that. Mm-hmm. But if the Lord is using what they laugh at to save you. Amen. Du prägst ihnen, sie lachen darüber, aber der Herr hat dich und will sie durch das retten, was sie belächeln. Tu leur prêches la vérité et se moquent de toi, mais l'Éternel aime ça parce qu'il veut que tu puisses, il veut les sauver à travers la vérité qui sort de toi. Praise the Lord. Même si c'est intensé pour eux. He always helped me to know why I'm qualified to. Das hilft mir immer zu erkennen diese Stelle, weshalb ich qualifiziert bin. Et ça, ce passage quand je le lis, ça m'aide à comprendre pourquoi je suis qualifiée pour être ici. Amen. Amen. You know, I did not even have the wisdom of this world so much. Ich hatte die Weisheit dieser Welt nicht wirklich. Moi, je n'avais même pas la sagesse de ce monde. Amen. I might even know how to steal and hide it. Amen. Just like in everybody, amen. Mm-hmm. I might have to know how to, your people know how to lie and hide it and try to hide it. And you get, they use wisdom. Mm-hmm. There was in Nigeria, they said there was a governor that said you can steal but don't be caught. A head of state. You have the right to steal but don't allow people to catch you. Mm-hmm. You can see it. Use wisdom so that you will not be caught. The wisdom of the world, this world, is satanic wisdom. Yeah. Und ich hatte jetzt beispielsweise nicht die Weisheit der Welt im Sinne von Allgemeinwissen oder krasser hoher Bildung, sondern ich hatte sie eher im Sinne von, dass ich wusste, wie man stiehlt, wie man halt betrügt, diese Sachen. Und genauso wie auch beispielsweise ein Politiker in Afrika mal gesagt hat, dass, du kannst ruhig klauen, aber guck einfach zu, dass du nicht erwischt wirst, dann ist alles in Ordnung, dann ist alles okay, werd einfach nur nicht erwischt. Aber das ist halt auch eine Art von Weisheit, aber eine teuflische Weisheit. Moi par exemple, je n'avais pas beaucoup de sagesse dans ce monde. Je ne savais pas comment être sage. Et je savais peut-être comment on est en train de voler des histoires comme ça. Mais tout comme un politicien avait dit que tu peux même voler, mais ne sois pas qu'on puisse pas te pas qu'on hein? On ne peut pas t'attraper quand tu es en train de voler. Et c'est aussi une sagesse de ce monde. Praise the Lord. Look at from verse 22. 22. He said, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. 23. Verset 23. But we preach Christ crucified unto the Jews a stumbling block. And unto the Greeks foolishness. Praise the Lord. Hallelujah. Unto those that are under law. You know, there are those that, for them it's all about what they do. Amen. It's a stumbling block. But for those, there are those that are just the natural people. Are you getting it? Mm-hmm. For them, it's foolishness. So how can you believe such a thing? Yeah. In 22 lesen wir, wer hat nämlich die Juden ein Zeichen von den Griechen Weisheit verlangen. Und es geht darum, dass für die Juden ist es halt Dummheit, ne, weil sie halt mit ihrer eigenen Weisheit versucht, nee, für die Juden ist es ein Stolperstein, ne, weil sie halt durch die Botschaft von Christus erniedrigt werden und das gegen ihren Stolz geht. Und für die Griechen ist es halt Dummheit, weil sie halt ihre eigene Weisheit haben, mit der sie halt versuchen, der Weisheit von Christus gegenüberzustehen. Genauso wie hier es auf der Welt halt diese Menschen gibt, die dann halt über die Botschaft von Christus lachen, weil ihre Weisheit, ihre Philosophie dem im Weg steht. Ici, on dit verset 22, also 1 Corinthiens 1, verset 22, les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Parce que tu vois, par exemple, chez les Juifs, le message de l'Éternel, ça va les humilier parce que à travers la vérité, on sait que c'est humiliant pour eux de voir qu'ils ne sont plus les gens qui étaient supérieurs, mais tout le monde sera accepté. Et pour les Grecs, ils ont aussi beaucoup, ils ont aussi de problèmes avec la vérité de l'Éternel parce que c'est contre leur sagesse qu'ils ont dans ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. We want to compare three things together. Let's see three things here. Wir wollen hier drei Sachen miteinander vergleichen. We want to read now. Amen. You will know. That's 1 Corinthians 1, then verse 24. 1 Corinthians 1:24. Erstmal das lesen. Look at it. 1 Corinthians 1:24. He said, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. You get it there. Amen. Then, einmal denen, die aber berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 24, ne? Ok, mais puissance de Dieu, also 1 Corinthiens 1, 24, mais puissance de Dieu et sage de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Praise the Lord. Hallelujah. It said Christ, the wisdom of God. Christus, Gottes Weisheit. Car, normalement, c'était 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Okay. Amen. Mm-hmm. Then in Romans 1. He said, Christ, where we just read, said, Christ, the power of God and the wisdom of God. Amen. Do you see it? First of all, 1 Corinthians 1, verse 24. He said, Christ, the power of God. Mm-hmm. Do you see it? 1 Corinthians 1, Christus, Gottes Kraft, dann. Then the first, in the same 1 Corinthians. Il nous dit d'abord que le Christ, c'est la puissance de Dieu. Verse 18. Verse 17 and 18. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. You can see the same power of God there. In 1. Korinther 1, 18 lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir sehen hier wieder Kraft Gottes. Ici, verset 18, 1 Corinthiens 1, 18, ça nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc on voit vraiment que la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous. You know, in 1 Corinthians 1:24 said, Christ, the power of God. In 1 Corinthians 1:24 sehen wir Christus, Gottes Kraft. 1 Corinthians 1:24, ça nous dit que c'est Dieu qui est, c'est Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu. Verse 18 of 1 Corinthians 1 says, the cross, preaching of the cross is the power of God. in 1. Korinther 1,18 sehen wir, dass das Wort vom Kreuz Gottes Kraft ist. Mais dans 1 Corinthiens 1,18, on voit que c'est la croix, la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu. Dans Romains 1. Römer 1. Et maintenant, Römer 1,16. 16. It says, for it is the power of God, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Christ and his gospel, they are one. Romains 16, Romains 1, verset 16. Romains 1, 16. 16. Christ, his gospel, his cross, everything of Christ, they are one. Alles von Christus ist eins, eins mit ihm. 1, 16, je n'ai point honte que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Que quiconque croit en juif parmi qui est grec, donc tout des dieux est un, c'est le Christ. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Please read this chapter 1 and chapter 2 of 1 Corinthians. Amen. Bitte liest das zu Hause. The Lord will help you to get a lot of things. Der Herr wird euch helfen, das besser zu verstehen. More revelation comes for you. Amen. Praise the Lord. Donc, tout du Christ, c'est tout, la croix, l'évangile, avec le Christ lui-même, c'est une seule personne. On ne doit pas le séparer. Mm-hmm. Amen. Amen. The Holy Spirit. Amen. The Holy Geist. Le Saint-Esprit. Is absent in all churches today. Ist abwesend in allen Gemeinden. Le Saint-Esprit est absent dans beaucoup des églises ici. Amen. C'est juste. They never allow him to come. Sie lassen nicht zu, dass er reinkommt. Ils n'autorisent pas au Saint-Esprit de venir. Amen. Instead, they allow evil spirit to come. Stattdessen lassen sie die Tür auf für bösartige Geister. Au lieu de ça, ils sont en train d'ouvrir les portes pour des esprits mauvais. Amen. Amen. Because the absence of the Holy Spirit, the evil spirit will be present. Weil die Abwesenheit des Heiligen Geistes wird dafür sorgen, dass dann halt die Gegenwart der bösartigen Geister da ist. Parce que l'absence du Saint-Esprit, ça signifie qu'il y a la présence du diable. Are you getting it? Amen. One must be there. One out of the two. Einer der zwei muss da sein. The Holy Spirit or evil spirit. Der Heilige Geist oder ein böser Geist. Parce que il y a une puissance qui doit être là. Parce qu'on n'a que deux puissances dans ce monde. Ou c'est la puissance du diable, ou c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est absent, c'est automatiquement la puissance du diable qui sera présente. And that's why if you gather in the name of the natural family, the evil spirit will be there. Also wenn du dich im Namen der bösartigen Familie versammelst, wird der bösartige Geist da sein. Et c'est pour cela que quand toi tu te rassembles au nom de ta famille naturelle et pas dans le nom de Jésus-Christ, ça signifie que le diable aussi sera là parce que lui, il est toujours là quand il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Matthew 18 says, where two or three are gathered in my name. Amen. You gather in the name of the Lord, and not in another name. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Du versammelst dich aber dann in einem anderen Namen, und deswegen wird auch ein anderer Geist anwesend sein. Et c'est pour cela dans Matthieu, il a dit, là où deux ou trois sont réunis dans mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est, il a parlé, il a dit que dès ils sont dans son nom. Mais quand tu dis que je me réunis au nom de ma famille parce que c'est une réunion familiale ou bien une réunion du travail, là il n'est pas là parce qu'il a dit qu'il va seulement considérer son nom. And that's why any time the natural family gather, I'm not there. Because that name, that, you know, I don't want to gather in the name of any evil name. Yeah. Ich will mich nicht in einem bösartigen Namen versammeln. Et c'est pour cela, moi, je ne veux pas me rassembler avec. À travers le nom de ma famille, quand par exemple il y a des fêtes familiales, moi je ne veux même pas être part d'eux parce que moi c'est seulement le nom de Jésus-Christ que je considère. Amen. Amen. Mm. You know, those of you that love the natural family, the flesh so much, you know, you gather. It depends on your growth. I'm above that already. Amen. And I thank the Lord. He has given me the strength to be above that. Mm. Any name, any other name, I'm not there. Except his name. Ich bin dankbar, dass ich da rausgewachsen bin, dass ich nicht mehr im Namen von Familie mich versammle. Leider tun das einige von uns noch, aber ich habe mich entschieden, da rauszugehen, weil das das Fleisch nützt nichts. Et c'est pour cela, pour ceux qui sont parmi vous, qui aiment trop la leur famille charnelle, moi je remercie l'Éternel parce qu'il a, il m'a aidé à sortir de là, parce que moi, de seulement valoriser son propre nom et pas valoriser le nom de la famille ou bien tolérer là où le diable existe. Ça dépend de votre maturité spirituelle. Et moi, je remercie l'Éternel parce que ma maturité est déjà au-dessus de ça, que moi, je ne valorise pas la chair et je valorise que lui-même. Amen. Family get together, schoolmates get together, friends get together. They are all evil. If it is not Christ, dieses Familientreffen oder Schultreffen nicht von Christus, dann hast du es dabei zu sein. Tu dois apprendre à détester les réunions de famille, réunions des amis, réunions de travail, parce qu'on aime des collègues, des histoires comme ça. On doit apprendre à le détester parce que là, il y a l'absence de Dieu et on sait bien, comme on vient de lire, que là où l'absence de Dieu, il y a, c'est la présence du diable. On doit apprendre à le détester et pas tolérer la présence du diable. You're calling the family of Satan, then you are dead. Die Familie des Teufels zusammenrufen und du lässt dich dazu zählen. Ils appellent le nom, ils font une réunion au nom de la famille, de famille, et toi, tu es aussi là, donc, tu sais bien que le diable sera là parce que ce n'est pas au nom de Dieu. Et toi aussi, tu acceptes d'être là. If others will not believe, I believe Christ. Wenn andere Leute Christus nicht glauben, ich glaube Christus. Si les autres ne veulent pas croire en Dieu, moi, j'ai décidé de croire Amen. En Dieu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, all that people know about the Holy Spirit is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That's all they know. Alles, was Leute über den Heiligen Geist wissen, ist Gott. Once you say God the Father, they will end it with you. They will have to end it. God the Son, God the Holy Spirit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Die können das auswendig. Sie können das, aber sie wissen nicht, was das bedeutet, was dahinter steht. Tout le monde est donc est capable de prier et dire dans le nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils savent pas qu'est-ce que ça signifie. You know, the young man at the end. Wie der the guy at the end. God the Father, the God the Son, God the man at the end. So. The God the Father, the one at the first, the second, and the man, the guy at the end. Sie wissen nur so viel wie, dass er sozusagen der dritte Typ ist in diesem Trio. Ist er halt die dritte Person. Mehr wissen sie nicht über ihn, über den Heiligen Geist. Sie wissen nur, dass es in diesem Trio von Vater, Sohn, Heiliger Geist ist der Heilige Geist der dritte. Mehr wissen sie nicht von ihm. Ok, ils ne savent pas beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit parce qu'ils disent que oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il dit seulement le Saint-Esprit sont en train de considérer donc comme la troisième personne qui est là, mais ils ne savent pas l'utilité de la troisième personne, tu vois, le Saint-Esprit en fait. Any church you go to today, won't you just say God the Father, God the Son, they will help you to end it, the guy at the end. God the Holy Spirit. Mm. Amen. Jede Gemeinde, die du hingehst, that's all they know about him. Sie werden dir helfen, diesen Satz zu Ende zu sagen. Vater, Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, der Typ, der als letztes kommt, der dritte im Trio. Aber mehr wissen sie nicht über den Heiligen Geist. Donc, chaque église va partir. Ils vont t'aider à réciter, ils vont aussi t'aider à compléter cette phrase, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit pour eux c'est seulement un type là qui est seulement à côté là, c'est le troisième entre eux, mais ils ne savent pas la valeur du Saint-Esprit. Amen. La valeur du Saint-Esprit. Amen. They don't know his work. Sie kennen sein Werk nicht. Ils ne connaissent pas son travail. They don't know his personality. Sie kennen seine Persönlichkeit nicht. Ils ne connaissent pas sa personnalité. They don't know his character. Sie kennen seinen Charakter nicht. The Holy Spirit has all this. Ils connaissent Der Heilige Geist hat das alles. Ils ne connaissent pas le caractère du Saint-Esprit parce que lui, il a aussi tous ses caractères. Praise the Lord. Yeah. They don't understand his assignment. Sie kennen seine Mission nicht. Eux, ils connaissent pas la mission du Saint-Esprit. Who he is and what he is sent to do. Und wozu er geschickt worden ist. Sie wissen nichts davon. Ils connaissent pas qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce qui est son œuvre, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi sa destinée en fait ici pour nous. Amen. Amen. He is not the spirit that just flows in the air, it's roaming about. Er ist keine umher schwirrender Kasper, Geist oder sonstiges. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit qui est en train de rôder sur les eaux ou bien autour de nous. Il est seulement là, seulement... Donc, genre, il est en train de chiller ici. Non, il est plus que ça. I'm just preaching this Holy Spirit short. Amen. Mm-hmm. Because if I even want to preach it, it will take weeks so or months. Amen. Mm-hmm. Because it's a real big topic. Amen. You saw me yesterday. Mm-hmm. Yeah. I'm just picking up. Ich predige dieses Thema Heiliger Geist nur ganz kurz. Wenn ich es wirklich Stück für Stück zerpflücken würde, würden wir halt Monate brauchen dafür. Je veux prêcher du Saint-Esprit, mais seulement court, parce que c'est vraiment un thème très grand. On peut même faire des mois dans cette prédication, mais je veux essayer de le faire de court. Because he is responsible for now. Der Heilige Geist ist verantwortlich für diese Zeit. Le Saint-Esprit est responsable pour ce temps ici qu'on est dedans. Praise the Lord. Alleluia. We need to know more and more about him. Wir müssen a lot mehr, about mehr him. Because he is responsible. Mm-hmm. He is sent for now. This is his period. Ist verantwortlich für das Jetzt. Das ist seine Zeit. Lui, il est responsable pour ce temps ici. On doit apprendre plus que de lui. Parce que lui, c'est vraiment le maître de ce temps ici. We need the Holy Spirit for everything of Christ. Wir brauchen den Heiligen Geist für alles, was Christus geht. On a besoin du Saint-Esprit pour tout ce qui concerne le Christ. It is so sad that the so-called churches and even the so-called God's children don't know the work of the Holy Spirit. Es ist traurig, dass die Kinder, sogenannten Kinder Gottes, die das Werk des Heiligen Geistes nicht kennen. Et c'est vraiment très triste que les soi-disant enfants de Dieu ne savent pas l'œuvre du Saint-Esprit. The Holy Spirit is after Christ and not after anything flesh. Der Heilige Geist ist hinter Christus her und nicht hinter irgendwas Fleischem. Le Saint-Esprit est derrière tout ce qui concerne le Christ et pas derrière la chair. Amen. If you do not know the work of the Holy Spirit, you will be disappointed and frustrated. Wenn du das Werk des Heiligen Geistes nicht kennst, wirst du enttäuscht werden, wenn Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Si tu connais pas l'œuvre du Saint-Esprit, tu seras vraiment déçu quand les histoires ne marchent pas comme toi tu t'y attends. Amen. The Holy Spirit will reveal Christ to you and not your natural studies or you to you. He will reveal Christ to you. Mm-hmm. It's all about Christ. Amen. For him. Der Heilige Geist wird dir Jesus Christus offenbaren. Er wird nicht dein Fleisch dir offenbaren. Er wird dir nicht Fleisch offenbaren your school oder deine Ausbildung offenbaren. Le Saint-Esprit va te révéler que les histoires du Christ et pas les histoires de ce monde. Are you getting it? Mm-hmm. Things of this world, what man values so much? Mm-hmm. He is not after those things. Because only one problem you have, and that problem is not knowing Christ Jesus. Mm-hmm. Und das wird and not you did not pass your schoolwork or you fail or you are not educated. Mm-hmm. Er wird dir nicht dich selbst offenbaren oder deine Schule oder deine Arbeit, weil das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du Christus nicht kennst. Wenn du ihn kennen würdest, wären all diese Bereiche kein Problem. Lui, il va te révéler, le Saint-Esprit va te révéler le Christ, parce qu'il va pas te révéler toujours ton travail ou bien un problème de ton mariage, je sais pas quoi. Parce que lui, il est toujours, ou bien tu es l'aîné de la famille. Donc, il va te révéler toujours les histoires de le Christ. Parce que si tu avais le Christ, si tu avais réellement la vérité, tu n'allais même pas avoir tous ces problèmes-là. C'est pour cela qu'il est derrière la vérité. Your problem is just one, and not two, three, or four, or five, or, you know, people can name their problems. Amen? But it is just one. Just like your sin is one, so also your problem is one. Amen. Und genauso wie deine Sünde nur eins ist, ist genau nur auch dein Problem eine Sache. Toi, tu as qu'un seul problème. John 16, please. Tout comme tu as qu'un péché, là tu as aussi seulement un problème. Praise the Lord. On va lire à Jean 16. Verse, we'll go through a little bit here. Here Jesus is introducing the Holy Spirit. Hier offenbart Jesus Christus in den Heiligen Geist. Jean 16 ici, le Christ est en train de présenter le Saint-Esprit. Praise the Lord. Verset 7. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter, Daddy, will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Christ sent the Comforter to us. Ici, on voit que le Christ a envoyé le Consolateur. Just like the Father sent the Son. The Son sent the Comforter. Genauso wie der Vater den Sohn geschickt hat, schickt der Sohn den Heiligen Geist. Tout comme le Père a envoyé le Fils, c'est comme ça que le Fils, maintenant, ici, à verset 7, il nous dit, c'est comme ça qu'il a aussi envoyé le Saint-Esprit. Amen. Amen. Are you getting it, please? So also, Christ sent you and me. Und so schickt Christ uns. Et c'est comme ça que le Christ... Et c'est comme ça que le Christ... nous a aussi envoyés ici sur terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes ici. C'est lui qui nous a envoyés. Genau wie Jesus uns geschickt hat. Wir sind hier nicht auf unserer eigenen Mission, sondern er hat uns geschickt. Praise the Lord. Halleluja. Allow the Holy Spirit to be there for you. Lass zu, dass der Heilige Geist da ist für dich. Lade ihn ein. Habe Kontakt. Be aware of him. Sei dir ihm bewusst. Be conscious of him. Amen. That is our one way. Permets le Saint-Esprit à être là pour toi. Sois conscient de lui. Invite-lui. Parle avec lui. Aie une relation avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 8, he said that when he is come, verset he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin because they believe not on me. Singular. Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Das ist ein Zahl. Quand il verra, il sera venu, il vaincra le monde en celui en ce qui concerne le péché et la justice du le jugement. Il a dit le péché, n'a pas dit le pluriel, pas dit les péchés, mais il a dit que un seul péché. Amen. It's not about your fornication, your lying. So also, it's not about I failed in the school. I was not able to finish my school. The only problem you have is that you don't know him. Das Problem ist nicht, dass du die Schule abgebrochen hast. Don't have him. Allah don't have him. Allah don't know. They have him. They don't know him. Oder dass du dann keine Freunde hast oder dass du deine Eltern nicht kennst. Und das Problem ist, dass du Jesus Christus nicht hast. Das ist das Problem. Le problème c'est pas que oui tu as fait la fornication, tu n'as pas des enfants, ceci cela, tu n'as pas un travail. Le seul problème que tu as c'est de ne pas connaître l'Éternel. Praise the Lord. C'est ça le péché qu'un homme peut commettre. Your problem is not you don't know book. Dein Problem ist nicht, dass du nicht so gut in der Schule bist. Ton problème c'est pas que tu n'as pas du succès. Tu n'as pas de succès dans tes études, bien tu connais pas tu sais pas comment lire. Amen. You are feli feli. Dolly dolly, that is what I would say it in Nigeria. Amen. You fail in your exam. That is not your problem because you don't belong to that world. We are defeated. Das Problem ist, you are no longer there. Das Problem ist, dass du ständig eine Prüfung verhauen hast oder in der Klasse anscheinend der Letzte bist, da immer schlechte Noten schreibst, sondern weil du gehörst zu dem Königreich, wo es kein Versagen gibt. Deswegen ist das fleischliche Versagen hier nichtig für dich. Et ton problème, c'est pas que tu as toujours un échec et des histoires comme ça, parce que ton problème est que tu si tu n'as pas la présence de l'Éternel en toi, si tu as l'absence de l'Éternel en toi, c'est ça qui va... C'est ça la chose qui est grave pour toi. Amen. Amen. Imagine the years we have spent in that world, that evil world. Mm-hmm. Amen. With your tongue, the Lord, that Satan did not destroy us, pata pata. Und erinnere dich an, wie viele Jahre wir in der Welt verbracht haben. Wir können Gott danken, dass wir da lebend rausgekommen sind, ne? Weil... Einige von uns waren an Orten, da das kann man sich halt nicht vorstellen. Und es ist nur die Gnade des Herrn, dass wir da lebendig rausgekommen sind. Mm. Et par exemple, quand on était à l'école et on avait des échecs, on pouvait aussi être détruit, mais on remerciait l'Éternel que à travers sa grâce. Il nous a sauvés. Amen. Amen. Your problem is not, I don't have anybody to marry. I'm not married. I don't have children. I don't have money. I'm black or white. The country I am is good. This country is very bad. That is not the problem. Your problem is just one. Das Problem ist nicht, dass du vielleicht immer noch nicht jemanden gefunden hast, der dich heiraten möchte. Oder my wife is not working. I'm the only one working. Oder dass du in diesem Land Schwierigkeiten hast wegen der Sprachbarriere. Oder weil Arbeitslosigkeit in deiner Familie herrscht. Das ist nicht das Problem, sondern Christus ist das Problem. Entweder laut oder leise. Mama mir hat laut lieber, weil sie hat Pause gemacht, deswegen. Du coup, maman disait que le problème, c'est pas que tu n'as pas le travail ou bien tu habites en Afrique, parce que les gens qui ont dit que ah, si j'étais en Europe, j'allais une bonne vie. C'est pas le travail ou bien le continent que tu as qui est le problème, parce que c'est pas parce que tu es au Congo et que tu n'es pas en Allemagne ou bien tu n'es pas en Europe. C'est pas ça ton problème. Le problème est que tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, le problème que tu connais pas Dieu, c'est ça. C'est ça le péché, en fait, que tu ne connais pas la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Your problem is not, I don't have money. Ton problème est aussi, je n'ai pas de Geld. Ton problème, c'est pas que tu n'as pas de l'argent ou bien tu es malade. Amen. Happy. That's not your problem. Ou bien j'ai des douleurs. Ça, c'est pas ton problème. Or nothing is working. Ou bien nichts läuft. Ou bien rien ne marche comme je veux. The laser, everything is stand still. You know, nothing. Others are having it. I'm not having it. Andere Leute gehen voran und erreichen Dinge, aber mir ist alles im Stillstand. Ou bien que les gens sont en train de voluer, mais moi je ne volue pas. C'est comme si rien n'a changé dans ma vie. Your problem is you are not safe. Dein Problem ist, dass du nicht errettet bist. Ton problème, ça doit être ton seul problème, et que tu n'es pas sauvé, que tu n'as Because pas Because Jesus helps us to know what salvation is. Weil Jesus hilft uns zu erkennen, was Errettung bedeutet. Parce que le Christ nous aide, Jésus-Christ nous aide à comprendre qu'est-ce qui est le salut. If you add John 3 and John 17, 3 together, that's salvation. John 3 first. Go to John 3, please. Johannes 3. On va d'abord lire Jean 3. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when people pray the prayer, we say they are saved. Yeah, they are saved for that particular time. Mm-hmm. Amen. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It's like the thief on the right hand. For this moment. Amen. Es ist wie der Dieb zur rechten Gottes, zur rechten von Jesus Christus. C'est comme tout... Les gens, quand ils disent qu'ils sont en train de prier pour le salut, maintenant ils ont le salut. Oui, mais tu as ton salut pour un temps court. C'est comme le voleur à la droite, la gauche, de Jésus-Christ. Lui aussi, à la droite de Jésus-Christ, lui aussi, il était sauvé. Il est aussi parti dans le paradis parce qu'il était directement mort. Mais c'est seulement un temps court. You need, you know, the money power outside is too strong. For you know, that is why you need the power of the Holy Spirit to continue. Mm. Without Him, you can't. The outside force will force you out. Mm. By force, you'll be out. Und diese dämonische Kraft. Out of that salvation that you even save a little bit. Mm. If you die immediately, you can make heaven. Mm. You're not like the thief on the right hand, mm. But you are still here. Und du kannst wiedergeboren sein, aber diese dämonische Atmosphäre, in der wir uns einfach befinden, seit dem Sündenfall, die wird dich zerquetschen. Ne? Es ist nur eine Frage der Zeit und wir können dem nur widerstehen durch den Heiligen Geist, ne? Durch die Gedankenerneuerung. Wenn wir das nicht tun, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das verlieren und dann noch uns schlechter geht als sogar vorher, vor Christus. C'est qu'elle veut dire que c'est pas seulement le salut que tu as besoin du salut et aussi la prière du Saint-Esprit. Tu as besoin de tous les deux, pas seulement le salut. Parce que si tu dis que tu as ton salut, tu peux être sauvé, Mais le démon, le diable, il a aussi beaucoup des outils ici, beaucoup des choses qu'il a fait ici qui vont aussi combattre ton salut. Et c'est une question du temps pour que ton salut puisse aussi, ça ne puisse plus t'aider parce que tu as besoin du Saint-Esprit maintenant pour renforcer ce salut, pour rester sauvé. Donc le salut, tu peux l'avoir, mais pour rester avec ce salut-là, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mm-hmm. C'est comme ça, par exemple, le voleur à la droite de Jésus-Christ, lui, il avait son salut et directement il était mort. C'est pour cela qu'il pouvait même partir au ciel. Il n'avait pas besoin du Saint-Esprit parce que directement il était mort. Mais tant que tu as ton salut et que tu es en train de vivre ici sur terre, tu as aussi besoin du baptême du Saint-Esprit pour t'aider à renouveler tes pensées pour que ton salut ne puisse pas partir. Parce que si tu as seulement le salut sans le Saint-Esprit, demain quand le diable va commencer à te dire tu es malade, tu vas le croire, ton salut ne va pas te sauver. Mais avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va renforcer ton salut pour te dire que oui, tu es c'est ton physique qui est malade, mais toi, tu dois croire à l'Éternel parce qu'il a dit ceci, cela. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui va t'aider à rester sauvé. Hein? Praise the Lord. Alléluia. Please, if you have questions, you can ask later. Wenn ihr Fragen habt, könntet ihr auch später stellen. Si vous avez des questions, c'est bien de le poser. Vous pouvez aussi le poser après, mais il ne faut pas l'oublier. John 3, verset 16. Johannes 3, verset 16. Jean 3, verset 16. You know, it's very popular. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Amen. Dieser Vers ist sehr bekannt. Jeder kennt ihn. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jean 3, 16, c'est vraiment très populaire. Ça nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Then in verse 15 also said that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Mm-hmm. You see that? Mm-hmm. Then if you go to John 17 verse 3, help us to understand what eternal life really means. Und in Johannes 17:3 lesen wir was ewiges Leben wirklich bedeutet. Jean 3, 15, par exemple, d'abord, il nous dit que afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et dans Jean 17, ça va nous faire voir qu'est-ce que ça signifie avoir la vie éternelle. Are we there, please? He said, this is life eternal. Jesus Christ is not speaking here. 17:3. Jean 17, 3. That they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Your problem is you don't know him. Dein Problem ist, dass du ihn nicht kennst. Jean 17, 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le problème que tu as à la base est que tu ne connais pas le Dieu et Amen. Le Christ. Your problem is you are not saved. Because this is what he calls salvation. Unser Problem ist, dass wir nicht errettet sind, weil das ist das, was er Errettung nennt, ihn zu kennen. Et ton problème est que tu connais pas Jésus-Christ, parce que c'est ce que lui il appelle le salut quand tu lui connais. Tu connais l'Éternel. Because if you are saved, he is in you, and you have to know who is in you. Amen. Wenn du errettet bist, ist er in dir, und du musst wissen, wer in dir ist. Et parce que si tu as ton salut, tu es sauvé, toi tu lui connais. Mais tu dois aussi connaître qui est en toi. Lui, il est en toi. Si tu es sauvé, lui, il est en toi. Mais toi-même, tu dois aussi connaître celui qui est en toi. Are you getting it? Mm-hmm. If you are saved, it's in you, in your spirit. But to know him, it means your soul must know him. Mm-hmm. Your soul needs salvation. Mm-hmm. Wenn du errettet bist, not saved. Ist in deinem Geist. That's the problem. Aber deine Seele braucht auch Errettung. Deine Seele muss ihn auch erkennen. Tu dois comprendre que si tu es sauvé, tu as ta prière du salut, lui, il est dans ton esprit. Donc, ça signifie que ton esprit est sauvé, c'est bien. Mais le problème est que c'est ton âme doit aussi le connaître. Parce que c'est ton âme, ça te sert à rien que ton esprit est sauvé, mais ton âme est toujours mort. Et donc, ton âme doit aussi apprendre à le connaître. You know, you may even know that you are a son. Amen. Du weißt vielleicht, dass du ein Sohn bist. Tu sais peut-être que tu es un fils. Praise the Lord. Amen. You must know more than being a son. Ah, du musst mehr wissen. Du musst noch jemanden bin ich so. Als nur ein Sohn zu sein. Tu peux savoir que tu es un fils, mais tu dois savoir plus que ça, que tu n'es pas seulement un fils. You know where I'm going to? Luke 15, the prodigal son's brother. He, you know that man was his son. Was his father. But he did not know that what belonged to him belonged to him. You might even know that you are a son, but you still suffer. Weil genauso wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, der ältere Bruder, er wusste, dass er einen Vater hat und dass dieser Vater sein Vater ist, aber er wusste eben nicht, was alles da mit hineinfließt, dass er schon, dass alles, was seinem Vater gehört, auch ihm gehört. Hätte er das gewusst, hätte ihn das vor diesem teuflischen Zorn bewahrt, vor dieser teuflischen Eifersucht bewahrt, aber er es eben nicht wusste. Hat er dann die Waffen des Satans genutzt. Und so ist das, wenn man ein Sohn ist, aber nicht weiß, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. En fait, quand je dis que c'est bien de connaître que tu as un fils, mais ça suffit pas, tu dois encore connaître de plus. Je vais vous donner l'exemple, comme dans l'exemple du fils prodige, par exemple. Lui, son frère, par exemple, qui était resté à la maison, le frère était devenu jaloux pour dire que... Mais, quand moi je suis ici en train de travailler, rien, tu m'as jamais donné un comment on appelle tu n'as jamais fait une fête grande pour moi, mais pour ton fils qui a abusé de ton argent là-bas, maintenant là tu veux faire une fête. Lui, il savait qu'il était un fils, mais il savait pas qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il était capable à faire, parce que le père lui a dit, mais oui, toi tu es toujours avec moi, ce qui m'appartient ça t'appartient aussi, donc ça signifie que oui, tu es mon fils, tu peux faire personne t'a empêché de faire une fête ici. Et c'est comme ça que nous aussi, quelquefois, on sait que nous sommes des fils, mais on ne sait pas comment un fils de Dieu est entré, se comporte, qu'est-ce qu'il a comme puissance. Donc, et c'est comme ça que le frère du fils prodige, vu qu'il ne savait pas ce qu'il était capable à faire, lui, il a utilisé les armes du diable, c'était quand il était jaloux, la jalousie. You know, it happens so often in the third world, like in Nigeria, for example. You know, let me say Benin. If people, parents die and they are so young, they give the wealth to uncle or auntie to take care of, so that when the children are now grown up, they can give them to them at their right age. But in a lot of times, those uncles and aunties, they hardly give it to them. And these children, they know that they are a son of this man. But the wealth of this man does not belong to them. I don't know if you understand it. If they do not know, some later know that their wealth is in somebody's hand, they want to get it, they'll kill them. Some don't even know at all. So if you do not know, you know you are a son of this man, but his wealth is in another hand, another person's hand. That's supposed to be yours. I don't know if somebody is getting it. In Nigeria passiert oft der Fall, dass wenn ein reicher Vater verstirbt und sein ganzes Erbe halt seiner Familie gibt und sein Sohn beispielsweise auch zurückbleibt, ist dieser Sohn vielleicht noch zu jung, um dieses Geld halt zu erben. Deswegen wird dieses Geld dann in der Familie aufgeteilt und in Anführungszeichen aufbewahrt für den Sohn. Aber sobald dann der Sohn eigentlich alt genug ist, um dieses Geld dann halt zu nutzen, sagt die Familie, nein, du kriegst nichts davon. Und im schlimmsten Fall, wenn halt der Sohn dann halt wirklich versucht, um dieses Geld zu kämpfen, wird er sogar ausgeschaltet, wird er getötet. Mhm. Na, und das ist halt eine Situation, wo dann halt jemand weiß, dass er ein Sohn ist, aber entweder nicht weiß, was ihm zusteht, oder das, was ihm zusteht, nicht bekommen kann, weil es in den Händen von jemand anderem gerade sich befindet. Et il y a une, je veux encore vous donner un autre exemple, ça se passe surtout en Afrique ou bien chez nous, chez eux à Bénin. Il y a aussi beaucoup de gens, par exemple des parents qui ont beaucoup d'argent, par exemple. Mais si par exemple ton papa a beaucoup d'argent ou bien, et puis il meurt, tes parents meurent, et toute cette fortune qu'ils ont, ils ont vu que tu es encore, tu n'es pas encore âgé, ils ont donné dans la famille va garder pour toi, mais toi maintenant tu ne sais pas combien, ou bien tu es trop petit pour comprendre l'utilité ou bien la dimension de l'argent ou bien savoir connaître ton héritage, et où tu vas grandir comme un enfant pauvre malgré tu as un héritage et où tu es normalement tu es riche, ou bien tu vas même comprendre après quand tu seras âgé, tu vas vouloir même posséder ton argent ou bien ton héritage, et tu auras maintenant des problèmes avec les membres de ta famille parce que ils vont commencer peut-être à ils vont vouloir te combattre pour garder l'argent, des histoires comme ça. Amen. Donc tu peux voir que tu es un fils mais tu connais pas ton héritage et ça va te causer de problèmes. Praise the Lord. Alleluia. I'm not saying that Christ cannot help you to pass your exam. Ich sage nicht, dass Christus dir nicht helfen kann, deine Prüfungen zu bestehen. Je ne dis pas que le Christ ne veut pas t'aider, ne va pas t'aider à passer tes examens. Or help you to have whatever he desires. You know, he desires things for you also. Oder dir helfen kann, die Dinge zu haben, die für dich hat. Er hat Wünsche für dich. Ou bien qu'il va pas t'aider à te, ou bien il va pas t'aider à te donner ce qu'il a. Il désire pour toi. But those who don't have things is not the true victory. Aber Dinge zu haben, ist nicht der wahre Erfolg. Mais posséder les histoires, c'est pas la vraie réussite. You know, John 17, John 7, Luke 17, we help you to know that. Amen. Mm. You know, when he sent the 70s, I hope you still remember. Mm. And they came with joy. Mm. Rejoicing that, you know, things are working. No, no, what the people, what everybody will be happy about. Mm. But he said the true victory is that your names are written in heaven. Amen. Wir werden uns an Lukas 17 erinnern, wo die Jünger zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, ey, guck mal, die Dämonen gehorchen uns, wir haben Geister ausgetrieben. Und Jesus hat gesagt, ja, das ist schön, dass ihr euch freut, aber freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Ne? Und das zeigt uns auch, dass ne, es ist gut, dass diese Sachen passieren, aber dennoch eine, die größere Freude ist, dass wir zum Herrn gehören. Et tout comme dans Luc 17, par exemple, on voit que les 72, par exemple, sont venus vers l'Éternel pour lui dire que, waouh, le diable nous a obéi et Dieu, Jésus-Christ, les a dit, oui, mais ça ne doit pas être notre victoire. Votre victoire ou bien votre joie, ça doit être que votre nom est écrit, que vous avez le salut, que vous êtes né de nouveau, que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est la même chose que nous aujourd'hui. On doit savoir que oui, c'est, Dieu peut t'aider à passer tes examens et il peut t'aider à surmonter quelqu'un de problème. Mais la vraie victoire est que tu es né de nouveau, que tu es ton son fils et tu connais ton identité. Amen. You know, in Christ's world is so easy to live. Amen. In der Welt von Christus ist es so einfach, ist es so einfach zu leben. Dans le monde de Jésus-Christ, c'est vraiment facile à y vivre. If it is only believing him that he died for you, it's enough. Wenn es einfach nur ist zu glauben, dass er für dich gestorben ist, dann reicht das. Si seulement tu es capable à croire qu'il est mort pour toi, ça suffit même. If you look God to Joshua 1, he revealed to us how to prosper. How to have good sources. How to have victory here on earth. It's not after you die. Here on earth. In Joshua 1 hat er uns offenbart. He said, meditate in my word both day and night. That's all. Dort hat er believe me both day and night. If even you are sleeping, still believe me that I'm there with you. Dort hat er uns offenbart, wie wir Erfolg haben, dass wir Tag und Nacht über sein über ihn nachsinnen sollen. Ne? Dass, selbst wenn du schläfst, sollst du über ihn nachsinnen. L'Éternel nous a dit comment prospérer ou bien avoir du succès dans ce monde, c'est quand dans Josué 9 il a dit que on doit méditer dans sa parole chaque jour et nuit, donc toujours avoir sa présence dans notre tête. And if we want nothing is working. Everything is against you. Und alles gegen dich ist. Amen. If we want nothing is working and everything is against you. Know that he said he is for you and not against you. That, oh, remember that. We change everything. Und das verändert alles. Même si tu vois que rien ne marche ou bien tout le monde sont contre toi, seulement le fait que tu sais que lui, il est pour toi et pas contre toi, ça va vraiment t'aider. C'est une petite chose, mais c'est, tu te rappelles de sa présence, en fait. Are you getting it? Praise the Lord. Alleluia. So I will not leave you, I will not forsake you. That is a promise from Almighty God. Vom allmächtigen Gott. Il a dit qu'il va jamais te laisser, il va jamais t'abandonner. Ça, c'est une grande promesse du Dieu plus grand. It is a pity that we believe, you know, the so-called president and queen and kings today more than we believe in. You know, when a president tells you, I will not leave you, I will not forsake you, we believe in. But why can't we believe it? Es ist traurig, dass König, dass wir mehr, dass wir Königen und Politikern mehr Glauben schenken als Christus, Jesus. Ne? Dass wenn diese Menschen sagen, dass God sie für uns da sind, dann wählen wir sie und stützen uns auf sie. Et c'est pour cela, c'est vraiment très triste quand, par exemple, on croit aux politiciens, par exemple, quelquefois plus qu'on croit en Dieu. Si un politicien te dit, un président comme Obama te dit, oui, je ne veux jamais vous abandonner, je veux vraiment, vraiment combattre pour le droit des Noirs, là, on dit oui, amen, on va lui voter, on sera derrière lui, on va dire que ce président est vraiment bien. Mais un Dieu tout-puissant te dit que je ne veux jamais t'abandonner, tu dis amen, mais tu es en train d'hésiter et de douter. Praise the Lord. Alléluia. C'est pitoyable. You know, he wants us to know how to live heavenly life. Er möchte, dass wir wissen, wie man das himmlische Leben hier auf Erden lebt. Il veut qu'on puisse savoir comment vivre la vie surnaturelle ici, dans le naturel, ici sur Terre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Ah, I really want it. For us to live a heavenly life here on earth. Ein himmlisches Leben hier auf Erden zu führen. That's the life he came for. Das ist das Leben, für das er gekommen ist. Il veut vraiment qu'on puisse savoir, comprendre comment vivre la vie surnaturelle ici dans le naturel. C'est pour cela qu'il est venu ici. That's why the true God children, they don't need to die before. What Mark called it, before you leave in the life of heaven here on earth. Deswegen müssen die Kinder Gottes nicht erst diese Erde physisch verlassen, also schlafen oder sterben, wie diese Welt es nennen würde, um den Himmel auf Erden zu erleben. Et c'est pour cela, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas d'abord mourir pour vivre la vie céleste après la mort. C'est pas comme ça chez nous. Jesus came here and said, I'm here. I brought heaven here. I'm bringing you heaven. Mm. And this heavenly life, amen. You are going to live it from here. You are going to be living in it from here. Yeah. And not until you die. Mm. That's why he said, his will be done on earth as it is in heaven. Mm. I don't know if you understand that. Deswegen sagt Jesus auch, ich habe den Himmel mit mir hier hingebracht, damit er in euch lebt, damit ihr in dieser himmlischen Welt von mir lebt. Und deswegen sagt er auch, dass sein Wille wie im Himmel so auf Erden geschieht. Et Jésus-Christ, il a dit que quand il est venu ici sur Terre, il nous a emmené le monde surnaturel ici sur Terre. Donc il veut qu'on puisse vivre ici. Il nous dit que notre victoire, c'est déjà, ça commence ici. C'est pas d'abord qu'on va mourir, on sera riche, on aura la paix. Non, la paix, la richesse, tout ça nous appartient déjà dès ici. C'est pour cela qu'il dit aussi que sa volonté soit faite ici sur terre comme aux cieux. Donc on est dans une vie, on est en train de vivre parallèle. Donc c'est à nous d'y croire et pour aussi de voir cette manifestation. Mais c'est déjà ici, on doit y croire. That's one. This is one of the difference between the kingdom of heaven and religion. Religion believe that until you die, you never go to heaven. Mm-hmm. But Jesus said, "You live. Heaven starts from here." Amen. Und das ist auch wieder ein Unterschied zwischen Religion und Königreich des Himmels, dass Religion glaubt, dass der Himmel erst anfängt, wenn man stirbt, aber das Königreich Gottes sagt ganz klar, dass der Himmel hier schon anfängt. Et ça, c'est aussi une différence entre la religion et le royaume des cieux. Parce que les chrétiens, les chrétiens, par exemple, eux, ils pensent que tu auras ta paix ou bien la joie ou bien tu seras en paix, tu seras même riche quand tu seras au royaume de Dieu, quand tu vas mourir et puis tu vas partir au ciel. Et ça, c'est eux qui pensent comme ça. Mais nous, ici, les enfants de Dieu, à travers on sait déjà que le royaume des cieux commence déjà ici. Ici déjà nous sommes riches. Ici déjà on a notre paix. C'est déjà ici qu'on a notre guérison. C'est pas quand on sera mort d'abord après la mort. Amen. C'est la différence. Hell also starts from here. Die Hölle fängt auch von hier an. Et même l'enfer commence ici dès d'ici aussi. The absence of Christ is hell. Weil das die Abwesenheit von Christus Hölle ist. Parce que l'absence du Christ. C'est aussi l'enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said, heaven is here on earth. Go to Matthew 6, verse 10. Matthew 6, verse 10. On va lire Matthew 6, verset 10. Dès que we have Pastor Richard. Mm-hmm. Matthew 6, verse 10. Matthew 6, verse 10. Matthew 6, verset 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. The kingdom come. Praise the Lord. Amen. Que ton règne and vienne. His kingdom is already here. Unser Königreich ist schon hier. Et son royaume et son règne est déjà venu. Are you getting it? Amen. Then he said, your will be done on in earth. Your will. Dein Wille. It's heavenly will to be done here on earth. Dein himmlischer Wille soll hier auf Erden geschehen. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc, sa volonté soit faite ici. Are you getting it? That will be done on earth as it is in heaven. Heaven will, heaven's will for you here on earth. Der Wille des Himmels für dich hier auf Erden. La volonté céleste ici pour toi sur terre. Jesus did not need to come for earthly life or earthly things. Jesus muss nicht hinkommen für irdische Dinge. Jésus-Christ ne doit pas venir ici pour les choses terrestres. He did not need to come for earthly life for us. Er muss nicht für ein irdisches Leben hier hinkommen. Il ne devrait pas venir ici pour un monde terrestre ici. Because we are already living earthly life. Wir haben schon ein irdisches Leben before vor ihm. Parce qu'on vivait déjà une vie terrestre avant qu'il puisse venir. Amen. The difference is heavenly life. La différence, c'est le monde céleste. It's so simple that they cannot get it. Und so einfach, dass sie es nicht verstehen können. C'est si simple qu'on ne peut pas le comprendre. Heavenly life starts from here. Das himmlische Leben fängt von hier an. Le monde céleste commence déjà ici. Galates 1:4. Praise the Lord. Amen. Galatians 1:4. Amen. He said, who gave himself for our sins? Galatians 1:4. That he might deliver us from the present evil world. According to the will of God and our Father. He gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world. Er gab sich selbst für unsere Sünden. We have been delivered. Damit wir herausgerettet sind. You are now in heaven. Aus der gegenwärtigen Weltzeit. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Amen. You have been delivered. It means you are no longer there. You are free from there. Amen. You are now somewhere. It's not, he did not deliver you to be there. Amen. He delivered you and translated he translated you into his own kingdom. The kingdom of heaven. That is where you belong today. Er hat dich herausgerettet. Amen. Nicht ins Nichts herausgerettet, sondern in sein Königreich hat er dich herausgerettet. Et Amen. Lui, il ne t'a pas seulement sauvé seulement comme ça, mais il t'a sauvé pour te replacer dans son royaume. C'est ça qu'il a fait. Christ's kingdom is not earthly kingdom, it's heavenly kingdom. Das Königreich von Christus ist ein himmlisches Königreich, kein irdisches. Le royaume des cieux, c'est un royaume céleste et pas terrestre. Amen. The Holy Spirit is the power of the only true God. We have read it in several places. Amen. Today. Amen. Amen. Der Heilige Geist ist die Kraft des allein wahren Gottes. Mm-hmm. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance du seul vrai bon Dieu. Jesus himself needed the Holy Spirit when he was here. Jesus selbst brauchte den Heiligen Geist, als er hier war. 3. Jésus-Christ lui-même, il avait besoin du Saint-Esprit quand il était ici. Amen. He need, you know, him, without the power of the Holy Spirit, he can do nothing. We just said, Mama just said, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are one. And they are really one. There's nothing that can separate them. That's why when one is doing something, the other ones, they are there. Mm. Amen. If God is, if anything happening to Jesus, the Holy Spirit, God the Father is there because he is the God the Son. Then the God, the Holy Spirit is also there also. Mm. The three, they're always present at the same time in everything. Mm. That's why I said the Godhead is in us. Mm. You cannot have one without others. Amen. Go to Matthew. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 3, please. Und Vater, Sohn, Heiliger Geist, sie sind eins. Man kann sich voneinander trennen. Sie sind anwesend füreinander und widersprechen sich nicht in ihren Werken und Taten. Und ja. Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Fils, ils sont un. Eux, ils sont jamais, ils font un seul travail, on doit le savoir. Et ils vivent aussi en nous. Matthieu 3, 16. Matthieu 3, 16. On va lire Matthieu 3, 16. Il said, and Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water. And lo, the heavens were opened. You see this? He said, heavens were opened. You get it? Mm. Unto him. And he saw the Spirit of God. That's the Holy Spirit. Mm. The Spirit of God. You see there? Mm-hmm. Descending like a dove. And lighting upon him. You can see that Jesus is there. The Holy Spirit is now there. Mm. Coming upon him. Mm. Then look at the God the Father, verse 17. Also present. Mm. That's it, said. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Can you see the three together? Mm-hmm. The three, you cannot separate them. Und auch in dieser Situation sehen wir, wie der Sohn, Jesus, ins Wasser geht, um getauft zu werden. Der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn hinabsteigt. Und der Vater, Gott der Vater, ihm zuruft, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ne? Alle drei sind anwesend. Ici on voit que Matthieu 16, 17, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrait et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Là, on voit qu'il était le Saint-Esprit. Et voici, une voix fit entrer des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, tu peux voir que là, tu vois qu'il y a Jésus qui entre dans l'eau, le Saint-Esprit qui vient comme une colombe et Jésus et Dieu qui parle. Donc, ces trois-là sont toujours en accord ensemble. Sont toujours ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. It's not just knowing that God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, they are one. You have to know how they are one. We just read the place that is telling us they are one. Wissen, wiefern sie eins sind. Et c'est pas seulement que c'est pas seulement c'est l'important c'est pas seulement de savoir que eux ils sont un et c'est important de savoir comment ils sont un. Amen. Amen. Let us quickly rush through Jesus and the Holy Spirit. Lass uns kurz Jesus und den Heiligen Geist uns anschauen. On va maintenant voir un peu Jésus-Christ et le Saint-Esprit. He prophesied the coming of Jesus. Er hat das Kommen von Jesus prophezeit. Oui, il a prophétisé. Il a déjà prophétisé que il a déjà dit que le Saint-Esprit va venir. Number two, he conceived Jesus in Mary's womb. Er hat Jesus sozusagen in Marias Schoß gelegt. Que, il avait vu que il avait déjà vu Jésus dans le ventre de Marie. Amen. Amen. Number three, he sealed the baptism of Jesus. Nummer drei, er hat die Taufe von Jesus Christus. Versiegelt. Et lui, il a renfermé le baptême de Jésus-Christ. That of seal, we will go there later. Then number four, he led Jesus into the wilderness to be tempted. Er hat Jesus in die Wüste geführt, damit er dort versucht wird. Il a aussi laissé, l'a permis le Saint que Jésus-Christ puisse partir dans le désert pour être tenté. All these are messages. That's why I say if I want to go into this, the Holy Spirit, it will take time. Mm-hmm. Because it's a lot of teaching. There are a lot of teachings here. Amen. Ja, und all diese Punkte sind natürlich Botschaften. Und wenn ich in alle eingehen würde, würde das echt viel Zeit brauchen. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Jesus ministered by the power of the Holy Spirit. Jesus hat durch die Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Jésus-Christ était seulement capable de prêcher à travers le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Non, mais si, his crucifixion is on the Holy Spirit. Seine Kreuzigung war auf dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Même ça, quand il a été crucifié, c'était à travers le Saint-Esprit. Number 7, he was resurrected by the power of the Holy Spirit. Er wurde auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Et même sa résurrection, c'était à travers la puissance du Saint-Esprit. Number 8, his ascension was done by the Holy Spirit. He's living here Seine Himmelfahrt wurde durch den Heiligen Geist getätigt. Et même quand il est parti au ciel, c'était à travers le Saint-Esprit. Jesus said, I will send you the promise of the Father. Go to Luke 24. Lucas 24. On va lire Luc 24. Praise the Lord. Luke 24. Verse 49 to 51. Luke 24, 49 to 51. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with the power from on high. Praise the Lord. He's talking about the baptism of the Holy Spirit. Es geht um die Taufe des Heiligen Geistes. Ici, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand il dit... Verse 50. Quand il dit que, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Mm-hmm. And he led them out as far as Bethany. And he lifted up his hand and blessed them. Verse 51. And it came to pass while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 1, verse 3 and 4. Romains 1, 3 and 4. 3 et 4. Amen. Mm. The Holy Spirit declared Jesus to be the Son of God. Go to Romans 1. Hat der Heilige Geist verkündigt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Là, le Saint-Esprit a déjà dit, nous a dit que... attends, on va lire d'abord Romains, on va le voir directement, Romains 1. Romains 1, verset 3 et 4. Que Jésus est le Fils de Dieu. 3 et 4, please. Jennifer, can you help us to read? Romains 1, 3 et 4. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von dem Toten Jesus Christus, unserem Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. Concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Are you getting something here? According to the flesh and not according to the spirit. Gemäß des Fleisches, aber nicht gemäß des Geistes. Amen. Et qui concerne son fils selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le Saint-Esprit déjà révèle que Jésus-Christ est le fils de Dieu par esprit. Alors, so still believe this. But the flesh profited nothing. Viele Leute glauben das noch, aber das Fleisch nützt nichts. Et il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi, mais la chair ne sert à rien. Then verse 4. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. I hope you understand it. Amen. Jesus said, without me. Jesus said, without me, you can do nothing. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jésus-Christ dit que sans moi, vous êtes capable à rien faire. Remember the unpardonable sin. Erinnert euch an die unverzeihliche Sünde. Rappelez-vous du péché impardonnable. In Matthew 12, verse 31. Matthäus 12, 31. Dans Matthieu 12, 31. I hope you understand it. Mm-hmm. Amen. Without believing the Holy Spirit, you can never be saved. Ohne den Heiligen Geist zu glauben, können wir nicht errettet sein. Si tu n'es pas capable à croire au Saint-Esprit, là tu ne peux pas mais tu ne peux pas avoir ton salut, tu peux pas Amen. Être sauvé. Salvation is a gift for unbelievers. Errettung ist ein Geschenk für Ungläubige. Le salut c'est un cadeau pour les païens. Baptism of the Holy Spirit is a gift for believers. Die Taufe des Heiligen Geistes ist ein Geschenk für die Gläubigen. Mais le baptême du Saint-Esprit c'est un cadeau pour les croyants. That's why that is the reason you must believe before you can be baptized by the Holy Spirit. Deswegen musst du erst glauben, damit bevor du getauft werden kannst mit dem Heiligen Geist. Et c'est pour cela c'est important que tu dois d'abord croire avant d'être baptisé du Saint-Esprit. I mean, you must first of all be saved before you can be baptized by the power of the Holy Spirit. Du musst erst errettet sein, bevor du getauft werden kannst durch die Kraft des Heiligen Geistes. C'est pour cela d'abord tu dois être d'abord sauvé avant avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est d'abord croire avant de marcher avec It means your spirit must be saved before you can be baptized with the power of the Holy Spirit. Das heißt, dein Geist muss errettet sein, bevor du getauft sein kannst mit dem Heiligen Geist. Donc ça signifie que ton esprit doit d'abord être sauvé avant que tu puisses être baptisé avec le Saint-Esprit. Because one of the job of the Holy Spirit is to bring the Christ in your spirit into your soul. That is his job. Denn eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Christus in deinem Geist ist in deine Seele zu bringen. Parce que le travail du Saint-Esprit est de ramener le Christ dans ton esprit. Parce que quand tu es né de nouveau, ton esprit est sauvé. Et le travail du Saint-Esprit est de ramener ce que tu as dans ton esprit, dans ton âme. Amen. C'est pour ça que tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour qu'il puisse emmener l'esprit que tu as, qui est parfait, dans tes pensées. Your soul is the part of you that think. So Christ in your spirit must come to your mind. That is why you now have, once you now come to your mind, you now have the mind of Christ. Mm-hmm. 1 Corinthians 2. Amen. Und wenn Christus dann in deiner Seele ist, dein Gedanken ist, dann wird sich das manifestieren. Wirst du dann halt danach auch handeln können, weil es dann zwei gegen eins ist, Geist und Seele gegen deinen Körper. Et c'est pour cela c'est vraiment important que tu puisses savoir que c'est à travers le Saint-Esprit que tu seras capable d'abord de voir ce que tu as dans ton esprit, que ça puisse être sort. Quand tu le crois, ça sort et tu es capable aussi de l'avoir aussi dans ta tête, de l'enregistrer aussi et d'y parler. Donc c'est le renouvellement de pensée, ça vient à travers l'esprit. Please go through the message again once we close. Amen. He said, how he gave it to me. He said, without the power of the Holy Spirit, you cannot be part of us in this ministry. Ohne die Kraft, no one. Ohne die, can be part of fear. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du nicht Teil dieser Gemeinde sein. Et c'est qu'il m'a dit aussi que c'est sans la force, la puissance du Saint-Esprit, tu ne seras même pas capable à faire part de cette église si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour croire à ce qu'il prêche ici, ce qu'il donne les messages ici. You remember the couple that we are once here. The power of the Holy Spirit was no longer there. Mm-hmm. Amen. Yeah, you cannot be here without the Holy Spirit. Erinnert euch an das Ehepaar, was hier einst war in der Gemeinde ohne. You fight us. Und die Kraft des Heiligen Geistes verlassen hat. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du nicht hier sein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Rappelez-vous du couple qui était ici, qui était, quand ils avaient le Saint-Esprit, ils étaient aussi ils faisaient part de nous. Mais quand ils ont commencé à ne pas croire au Saint-Esprit, à rejeter le Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'ils n'étaient plus capables d'être un avec nous, parce qu'ils ont commencé aussi à nous combattre. Donc c'est le Saint-Esprit, l'absence du Saint-Esprit va te faire combattre la vérité. Because you need the Holy Spirit to understand us. Denn du brauchst den Heiligen Geist, um uns zu verstehen. Parce que pour nous comprendre, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Because we listen to him. Et wir hören ihm zu. Parce qu'on écoute au Saint-Esprit. We hear his voice. Wir hören seine Stimme. And we obey his voice. Wir hören seine Stimme. And somebody to come and be part of us. The Holy Spirit is so important. Damit du Teil davon sein kannst, diesem Druck überhaupt gewachsen sein kannst, brauchst du den Heiligen Geist. Et pour que quelqu'un puisse nous comprendre ou accepter le message que l'Éternel lui-même lui donne ici, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit parce que quand tu vas le regarder, tu écoutes si tu écoutes les messages charnels, tu ne seras jamais capable à nous comprendre. Mais quand tu le laisses, tu ne comprends pas, mais tu donnes au Saint-Esprit la charge de te l'expliquer. C'est là que tu peux être capable à continuer avec lui, malgré que ce sera un peu difficile, mais il va t'aider à le comprendre, tu auras de la paix, et c'est comme ça que tu vas grandir petit à petit. The Lord who said I should be reminding us of this Holy Spirit all the time. Er hat gesagt, ich soll uns immer wieder an diesen Heiligen Geist erinnern, dass wir eine Erinnerung haben. C'est l'Éternel qui m'a dit que on a vraiment besoin de se rappeler toujours du Saint-Esprit, de son travail, de son œuvre, comment c'est l'importance du Saint-Esprit. He said, without the power of the Holy Spirit, you cannot be part of us because you will not understand us. Er sagt, ohne den Heiligen Geist kannst du nicht Teil von uns sein, weil du wirst es auch gar nicht verstehen können. Il a dit que sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas être ici et tu ne seras même pas capable à comprendre les messages ici. You will see us fighting you. Du wirst immer wieder denken, dass wir deine Feinde sind. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas penser que tout ce qu'on est en train de dire, c'est contre toi, c'est contre ton succès, c'est contre ton bien. But we wrestle not against flesh and blood. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Mais nous, on combat pas contre la chair et l'os. Amen. Amen. But against principalities, against power, against the rulers of darkness. Don't fight people. Mm. Mais nous, on est en train de combattre contre les esprits mauvais, les démons, les histoires. Oui, les esprits qui ne viennent pas de diable, les principautés. Praise the Lord. Oh, yeah. Then I will quickly go through you and the Holy Spirit. Und ich werde auch schnell nochmal darüber sprechen, über du und der Heilige Geist. Et maintenant, je veux parler de toi et le Saint-Esprit. We just finished Christ and the Holy Spirit. Wir haben Christus und den Heiligen Geist. Jesus and the Holy Spirit. Now, you and the Holy Spirit. Jetzt du und der Heilige Geist. On vient de finir, de clôturer avec Jésus et le Saint-Esprit. On a vu comment ils sont en train de travailler ensemble. Et maintenant, on va voir ce qui concerne toi et le Saint-Esprit. He regenerates the believers. Er regeneriert den Gläubigen. Lui, il est en train de régénérer les croyants. It means he births the new birth. He gives birth to you. Schenkt uns das Leben. Er gebärt uns. Et ça signifie qu'il te met au monde. The same way he birthed Jesus Christ. Genauso wie Jesus Christus geboren hat. Donc, il te donne la naissance. C'est la même façon qu'il a donné naissance à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il te donne aussi la naissance. It was not Joseph that put Jesus Christ to Mary's womb. Mm. It was the Holy Spirit. Mm. Es war nicht Josef, der Jesus in den Schoß von Maria gelegt hat, sondern es war der Heilige Geist. C'était pas Joseph qui avait planté Jésus-Christ dans le ventre de Marie. C'était le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. So also, we are not birthed by man, but by the incorruptible seed. First Peter, go there. Genau sind wir nicht aus Menschen geboren, sondern durch den unvergänglichen Samen. Et on va le voir comment nous on est nés. On va le lire à 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 23. He said, be born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth. Amen, amen. Oh, yeah. Amen. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. The same word that pregnated Jesus and gave birth to Jesus. The same word pregnated us and gave birth to us. Das gleiche Wort, was Jesus gebracht hat, hat uns auch gebracht. La même parole qui a fait naître Jésus-Christ, c'est la même parole qui nous a donné naissance aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. And number two, the Spirit indwells believers. Und der Geist wohnt in Gläubigen. Numéro 2, l'Esprit est en train de vivre dans les croyants. He did not only birth you, he lives in you. Amen. Er hat dich nicht nur geboren, er lebt auch mit dir. Le Saint-Esprit, il ne t'a pas fait seulement naître. Il ne t'a pas fait. Mis au monde. Oui, il ne t'a pas fait seulement donné, mis au monde, mais il vit aussi en toi. Amen. Amen. You know, your parents can give birth to you, but they don't live in you. Mm. Weil deine Eltern, die können dir das Leben schenken, aber die können dich gebären, aber sie leben nicht in dir. Tes parents, par exemple, ils peuvent te faire naître, te donner la naissance, te donner la vie, mais ils ne peuvent pas vivre en toi. Amen. Amen. And that's why 1 Corinthians 6:19 said our body is now the temple of the Holy Spirit. Deswegen 1. Korinther 6:19 steht, dass Unser Körper ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, er lebt jetzt in uns. Et c'est pour cela 1 Pierre 16 nous dit que notre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit parce que nous vivons maintenant en nous. Praise the Lord. Alléluia. Number 3, the Spirit seals believers. Der Heilige Geist versiegelt den Gläubigen. Ephesians 1, verse 13 and 14. Are you getting it? Ephesians 1, verse 13 and 14. He said the Holy Spirit seals believers. Éphésiens 1, 13 à 14, il nous dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, le Saint-Esprit, nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. Praise the Lord. Ephesians 1, verse 13. Verse 13. He said, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ephesians 1, 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Amen. Der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Amen. You say we have been sealed by adoption by the Holy Spirit. Mm. He is the seal of God. Er ist das Siegel Gottes. Amen. Et lui, il nous a scellés avec le Saint-Esprit. Donc, c'est à travers le Saint-Esprit que, oui, nous sommes scellés. Praise the Lord. Alleluia. And the word seal means two things in the Greek word. Amen. Okay. It means lock up. Siegel heißt verschließen. Et à être scellé, to lock up. Scellé, ça signifie que quand tu fermes quelque chose. To preserve you. Zu konservieren. Conserver quelque chose. Number two is like a wedding ring. Es ist wie ein Ring, wie ein Ehering. C'est comme une bague d'alliance. Amen. Mm. The wedding ring of the promise. Der Ehering der Verheißung, des Versprechens. La bague de la promesse. It is also a sign that you are married to Jesus. Es ist auch ein Zeichen, dass wir mit Jesus verheiratet sind. Et c'est aussi un signe qu'on est marié avec le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. I don't want to go into the one. If I go into the one, you can see that it's long. Amen. Okay. I'm even cutting it short now. Amen. Number four, the Spirit adopts believers. Der Heilige Geist adoptiert Gläubige. Le Saint-Esprit est en train d'adopter les croyants. We have been adopted by the Spirit of God. Wir wurden durch den Geist. To be the sons of God. Amen. Wir wurden durch den Heiligen Geist adoptiert, Söhne Gottes zu sein. C'est le Saint-Esprit qui nous a adoptés pour devenir maintenant aujourd'hui les fils de Dieu. Without him, none of us can be called a son of God. Yep. He is our adoption agency. Er ist unsere Adoptionsfirma. Sans lui, le Saint-Esprit, on ne peut pas être appelé les fils de Dieu. Donc c'est comme s'il est notre entreprise d'adoption, par exemple. C'est lui qui... Oui. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Number five, the Spirit helps believers. Der Geist hilft den Gläubigen. Mm-hmm. Donc... L'esprit aide les croyants. He is your helper. Er ist ein Helfer. Il est notre aide. Remember him as even your helper also. Amen. You have a helper. That helfer. Never leaves you, that is always there 24/7. Even when you are sleeping. 7 da ist. Il est notre aide qui est 24 heures sur 24. Il est là. You know, the natural helper can even go home and sleep. Der natürliche Helfer. But your helper is there. Hat irgendwann Feierabend. Aber dein Helfer ist immer da. Ton aide naturel, un assistant, il est là, mais quelquefois il part dormir, tu le fais rentrer à la maison. Amen. Mais le tien, il est là 24 heures sur 24. Verse number 6, the Spirit teaches us. That's 1 Corinthians 2. Amen. The Spirit, the Holy Spirit teaches us. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er bringt uns Dinge bei. Et le Saint-Esprit, lui, nous aide. Also Titus is there. Amen. Verse number 7. The Spirit guides us. Der Heilige Geist ist unser Führer, unser Navigationssystem. Et le Saint-Esprit, il est en train de nous, de nous naviguer, il est en train de nous guider. The Spirit anoints us, he sanctifies us. You can see it. It's all about it's the Spirit that is the dual of everything. Der Heilige Geist heiligt uns. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Donc tu vois que c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. He empowers. Er bekräftigt il nous uns, donne les la pouvoir, il nous fait, il nous donne la capacité à faire les histoires. Is somebody getting it? Mm. There is only one Holy Spirit, but many functions. Mm. Er hat viele Funktionen, aber es ist nur ein Heiliger Geist. Tu vois qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, mais il a beaucoup de fonctions, il a beaucoup d'œuvres. Just like electricity. It is only one, but many functions. Mm. Wie Elektrizität, es gibt viele Nutzen für Strom, aber es ist ein Strom. Tu vois, c'est comme l'électricité. Il n'y a qu'une seule électricité, mais il y a beaucoup de fonctions. Cette électricité, il peut faire beaucoup de choses même. Amen. Mm-hmm. Electricity is electricity. The same in everywhere. Amen. However, some are using it for ironing, fan, television, computer, air condition. So many things. Amen. You use it as light to see. Amen. That is the Holy Spirit also. We have many functions, so many, that you cannot even count. Und er hat viele Funktionen, genauso wie Strom. Du kannst Strom benutzen, um Waffeln zu backen, du kannst Strom benutzen, um deine Hose zu bügeln, du kannst Strom auch benutzen, um, keine Ahnung, um den Rasen zu nehmen. Also es hat verschiedene Funktionen, aber es ist immer Strom. Tu peux avoir de l'électricité, mais tu peux faire beaucoup de histoires avec ça. Tu peux cuisiner, tu peux repasser, tu peux regarder la télévision, tu peux donc allumer la lumière. Donc tu as beaucoup de fonctions, mais c'est seulement la même électricité que tu es en train d'utiliser. Amen. If you want to cook something, you go to your light. So you go to where your cooker is. You on it. It's connected with light. You will not go look for something else. That's why be used to the Holy Spirit. He's everything for you. Wenn du zum Beispiel kochen willst, dann weißt du, dass du auch... No matter how little the food is, you go there. Wenn du kochen möchtest, dann weißt du auch, dass du halt Strom als Quelle benutzen musst. Und egal wie klein diese Speise ist, dennoch musst du dich an Strom wenden und nicht an etwas anderen. Und genauso auch mit dem Heiligen Geist, dass wir uns immer wieder an ihn wenden. Et c'est pour cela, tout comme on sait que c'est vraiment important d'avoir de l'électricité à la maison, c'est comme ça qu'on doit aussi être conscient du Saint-Esprit, parce que avec l'électricité, on est capable, on doit faire tout même pour partir à la toilette la nuit. Tu as besoin d'allumer la lumière, parce que sans cette lumière-là, tu vas te cogner. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit, on doit être conscient du Saint-Esprit, parce que si tu fais quelque chose en dehors du Saint-Esprit, sans utiliser le Saint-Esprit, considérer le Saint-Esprit, ou bien demander le Saint-Esprit, tu vois, à la fin, tu auras, c'est toi-même qui auras mal. Praise the Lord. Hallelujah. It is a command also that you must have relationship with him. Es ist auch ein Befehl, dass du eine Beziehung mit ihm haben musst durch Christus Jesus. Et c'est un commandement que tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Once you have him, he needs your invitation. He never forces anything down. Wenn du ihn hast, musst du ihn auch einladen, denn er zwingt dich nicht. Er zwingt dich zu nichts. Et c'est pour cela quand tu dois savoir que dès que tu as le Saint-Esprit, tu dois aussi inviter le Saint-Esprit, parce que lui il va jamais t'obliger à faire quelque chose. It is a command that you must cooperate with him. It's a must. C'est un befehl, dass du ihn kooperieren musst. C'est aussi un commandement que tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. It's a must that you must cooperate with him. Because this is his period. Du musst mit ihm kooperieren, weil das seine Zeit ist. Toi, tu dois apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit, parce que ça, c'est son temps. On est dans son temps. The period of the Father is over. That of the Son is over. Now the period of the Holy Spirit. Die Zeit des Vaters Every ist vorbei. One of them, they have their own period. Die Zeit des Vaters ist vorbei, die Zeit des Sohnes ist vorbei und jetzt ist die Zeit des Heiligen Geistes. Jeder von ihnen hatte seine eigene Zeit und deswegen kannst du den Heiligen Geist nicht ignorieren. Et tu vois qu'on avait vu l'autre fois qu'on a trois périodes, le période du Père, du Fils et maintenant du Saint-Esprit. Et maintenant que tu es en train de vivre dans le période du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire des histoires avec son absence. Tu dois toujours l'inviter ou bien coopérer avec lui, tu ne peux pas l'exclure de tes histoires. De tes And then that's why any church I know him, sorry, it's a dead church. Für jede Gemeinde, die den Heiligen Geist ignoriert, ist eine tote Gemeinde. Et c'est pour cela chaque église qui est en train d'ignorer le Saint-Esprit est une église morte. Amen. Speaking in tongues is one of his gifts. Ein Fremdzungen zu predigen ist eine der Gaben. Et parler en langue, c'est un des cadeaux. Go to 1 Corinthians 13, please. Praise the Lord. Amen. It is one of his gifts and it's very, very important.